petit sans l'entourage, on croit qu'on est rien. Peur de grandir sans repère, alors on s'invente des liens. Très vite, des instants, des lieux m'amènent au délit. Je trébuche dans la tête, dès lors les bancs deviennent des lits. Malgré le ciel opaque, c'était la bonne époque, la bonne équipe. Si quelqu'un tombe, ne pas l'abandonner, c'était la bonne éthique. 10, 11 ans, disant que l'unité s'est appris au ring. Puis son genre recule, je vois que c'est des a priori. Certains ont oublié qu'on se connaissait avant la primaire. Un dur pont en arrière, on se bouffe comme si on était des primaires. Le temps efface certains souvenirs, mais ne ment pas. C'est grâce à lui que j'ai vu que les hypocrites ne manquent pas. À 13 ans, j'avais pas trop la conscience. Tranquille et t'as trop culotté aux yeux de mon frère, aussi triste est-il. Bloqué sur moi, je vois pas mes parents s'tortiller. Titillé par le quartier, on croit que tout y est. Tes premiers plans, tes premiers potes que t'appelleras tes frères. Mais quand seules les conneries te guettent, tu finis par les faire. Cerveau blindé d'illusions qu'on ne peut plus remplir. De moins en moins terre à terre, et c'est de pire en pire. Peu après, à 14 piges, je veux devenir un peu rappeur. Mais que ce soit dépend de l'école, voilà de quoi mon père a peur. Collège, ils veulent changer mon esprit frivole. Mais on s'en moque, on préfère se moque plutôt que taffer à l'école. Avec le temps, je sais que j'ai fait moins de bons pas que de fautes. Si j'aimais pas les cours, c'est parce qu'ici on parlait que de foot. Et au final, sur les bulletins, trop de points noirs. Mais à cette époque, celui qui fout pas la merde, c'est pas un noir, c'est pas un vrai, non. Il fera pas partie de l'escouade, on l'esquive, le crime paie. Voilà ce dont on se persuade. La plume la trompe la table, j'aurais dû sceller les actes. Mais je l'ai fait quand même, car à 15 ans, on pense selon les autres. On fait que de se laisser diriger par peur d'être lésé. Trop rongé par le souci léger, les regrets, je les ai. Parce qu'on réfléchit tous, mais à retardement. J'ai un goût amer dans la bouche quand on me reparle de moi. Un putain d'égoïste que rien n'altérait. Prêt à donner aux autres, seulement par intérêt. À 16 piges, confronté au choix des brevets d'études. Mes potes lâchent prise et préfèrent brasser les thunes. J'pense à ceux et celles dont les profs les disaient sales. Les yeux vissés au ciel et ils nous parlent de réussite sociale. Nous tenir à l'écoute, ils ont tout fait pour. Mais le paradoxe entre la vie et les cours nous pousse à couper court. Y'a ces choses dont on rêve, est-ce qu'on évite d'envisager? C'est pas qu'on baisse les bras, c'est qu'on évite d'évisager. Moi comme les autres, c'est l'apparence qui tue nos peines. Trop d'embûches, alors l'argent facile est une aubaine. Une abîme dans laquelle au fond la vérité nous ment. À force de dénouement, j'en ai tiré un enseignement. Touchant à l'oseille, certains prennent de l'attitude. Résultat, une jalousie qui se ressent dans l'attitude. On vise le titre, certains s'en sortent, certains titubent. L'engrenage de la street, voilà comment ça s'intitule. 17 ans, sur quoi je me dis avance, maintenant je me dis recul. Quand je regarde en arrière, je passe de radical à ridicule. À grands pas, j'aurais pu devenir un grand con. Quand tu vois les potes partir trop tôt, c'est là que tu te rends compte qu'il faut suivre le droit chemin et pas rester bloqué au rond-point. Y'a que ceux qui tombent qui réalisent ce qu'ils n'auront pas. Car ici, le bonheur on ne fait que le caresser. On meurt de soif, est-ce que la rue nous donne, c'est du parasite. J'ai visité les caves, pas les musées. Tout ce bordel, ça a vraiment fini par plus m'amuser. Réalité, ce qu'on fait avec illusion et à l'usure. Réflexion, ce qu'on fait avec impulsion et on finit loser. Les maigres de nature font de la muscu pour la mature. Puérilité, ce qu'on fait avec maturité, que des amateurs. Intérêt, ce qu'on fait avec amitié, pour se faire un nom. Mais peu importe comme on dit, il faut tout pour faire un monde. C'est pas pour rien que certains prennent peur. Quelque part, c'est qu'on voit les choses comme nulle part ailleurs. 18 ans, j'suis rangé, des conneries, j'suis au régime. Même si ça changera rien, car les clichés se font sur origine. Y'a pas de refrain, y'a rien à résumer. Je resterai à jamais un voyou présumé. La street, j'lui envie, j'lui en veux. C'est rose avec des pics, j'le renvoie pour faire un vœu. Je voudrais que des potes qui se comportent mal, que les comptes aient des portes. Qu'ils partent, qu'ils comprennent qu'ils sont face à des murs, pas des portes. Que ça sert à rien, qu'on s'en boucane. Que l'engrenage fait que chaque jour un de mes frères pour une embrouillane. 20 ans, je sais que sur certains me poussera au linceul. Indifférent si on m'en sorcelle, car je m'en sors seul. J'ai mon avis, loin de m'avoir poussé à faire un sans faute. C'est un fait, je pense à ma vie car les autres s'en foutent. Pour certains, je suis un bonhomme et pour d'autres, un lâche-main. Mais y'a pas besoin d'être dans la norme pour suivre le droit chemin.